Galerie Est. Nous avions réussi. La majorité des rats se retrouvaient dans la galerie Est, prêts à y être piégés. Les persévères se chargeaient de boucher l'entrée. Ils n'avaient qu'une seule mèche à allumer. Et nous n'avions plus qu'à gravir le grand trou jusqu'au nouveau monde. J'ai pris des cordes dans le chariot. Il doit y avoir assez de longueur. Tu crois qu'ils vont nous repérer ? Ils sont bien trop occupés à grogner. De toute façon, on n'a plus le choix. On va le faire le plus discrètement possible. On commence à monter quand ça saute. Ils seront paniqués par l'explosion. Ok, très bien. J'ai baissé la tête vers la galerie. De la corniche, nous avions une des plus belles vues d'un chantier bafoué. Les rats montaient sur les tractopelles, les belteuses, s'invitaient dans les baraquements pour y chercher des bafouiches. S'énervaient quand l'évidence leur sautait au fin aux yeux. Tous les bafouiches avaient fui cette galerie. Tous, sauf nous. Parmi eux, Ratis regroupait ses troupes. Allez, qui sera ? Wesshiti nous attend. Elle doit s'impatienter. Mais tu voulais au début qu'on suive le... Je sais pas si c'est vraiment un piège qu'ils nous ont tendu, mais... T'aurais peur ? Non ! Non ! Je n'ai pas peur. Ratis a levé la tête vers le grand trou et... Non, il ne regardait pas le grand trou. Il nous regardait, nous. Et la souris, découvrant ses crocs immenses. Non, je n'ai pas peur. Il nous regardait. Ratis nous avait vus sur la corniche, mais il ne bougeait pas, et les rats se regroupaient prêts à sortir de la galerie. Squeak, tu la lances cette corde, oui ou non ? Squeak, on n'est pas là pour admirer les rats, faudrait peut-être voir à préparer notre sortie. Mais Squeak, qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Waouh, t'as vraiment décidé de m'emmerder jusqu'au bout. Quoi ? Mais non, j'ai pas... Je parle pas de toi, crétin. De qui alors ? Qu'est-ce que tu m'as préparé, hein ? Dis-moi. Il murmurait sûrement, mais j'avais l'impression de l'entendre, comme je voyais encore son œil me fixer en fermant les yeux. Tu n'y arriveras jamais, Ratis. Quoi ? Tu parles à Ratis, là ? Mais t'es devenu cinglé, Squeak ! D'une, il t'entend pas, et de deux, on doit vraiment y aller ! Les persévères vont bientôt faire sauter l'entrée ! Quand est-ce que tu vas agir, hein, petit gnome ? Mais de quoi parles-tu, Ratis ? Je piche que dalle, moi ! On va sortir et on va... Les rats ont hurlé. L'entrée venait d'exploser. Les persévères avaient réussi. Un nuage de poussière s'extirpait de l'amas de roches pour envelopper les rats affolés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était ça, hein ? Tu voulais nous enfermer ! J'ai lancé le grappin. Il s'est accroché quelques centimètres près de la bordure du grand trou. Mila, passe la première. Ouais, mais... On te suit. Vas-y, Squeak. Très bien. Et nous avons grimpé la corde en file indienne parmi le tumulte. Eh bien, Ratis, on dirait que finalement tu t'es fait avoir. Reste couché. Ne te lève pas, espèce de... monstre. Trois têtes sur un seul corps. Et c'est moi qui subis des expériences. La nature fait des choses bizarres, non ? T'as perdu, Ratis. Reconnais-le. Une tête. Ah ! Non, pas comme ça. Tu n'y arriveras pas. Tu es toujours trop bavard avec deux têtes. Ah, Ratis ! Je vois la pluie, je vois un arbre, et je vois ton œil qui s'éteint sous la pluie contre l'arbre. Tu n'as plus qu'une tête. Et elle parle toujours trop. Maintenant te voilà enfin acceptable. Mera, grimpez là-haut. Il y a des bafouesh. Avance, Mila, plus vite. Mais je fais ce que je peux. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de te regarder en bas et j'ai le vertige. Avance. Je veux pas, j'ai peur. Je veux plus bouger. Squeak, les rats. J'ai baissé la tête. Les rats, ils commençaient à grimper les parois en direction du grand trou. Dans notre direction. Mila, si tu bouges pas maintenant, on va tous se faire bouffer.